Des moustaches, des fleurs, du LSD. Cette semaine, on a maté les chefs du Pentagone et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée aux chèvres du Pentagone, l'homme qui regarde les chèvres, titre québécois. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Miguel. Bonsoir Antoine. Greg, salut. Bonsoir. Et enfin Julie, bonsoir Julie. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de Men Who Stare at Goats de Grant Heslov, sorti en 2009 de 93 minutes, avec George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey et Stephen Lang. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je m'appelle Bob Wilton, je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique. Un guerrier Jedi. J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie. Nous devons rêver une nouvelle Amérique. Vous allez devenir des arbres télépathiques. Faut du ressenti. Nous devons créer des moines guerriers et basse muraille. Nous devons voir l'avenir. Félicitations, Scotty. Merci, désolé que ça finisse mal entre vous. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est à tous les codes de la bande-annonce humour, avec les petits coups de banjo, la petite musique rock'n'roll, le film... C'est pas un film de potes, c'est un film, tu sais, où t'as tous les ingrédients pour que ça marche bien, en fait. C'est-à-dire, t'as un déglingo, un mec un peu normal à qui tu peux t'attacher, de la dope, que des superstars, une guerre, que des superstars, et une histoire pseudo-vraie, quoi. Et ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs dames? Messieurs dames, allez-y, donnez vos avis. Eh ben moi j'ai trouvé ça vachement nul, globalement. Ouais. J'ai trouvé ça quand même pas terrible du tout. Hein. Je me suis vraiment ennuyé. Moi ouais, c'était pas si. Franchement pour un film des frères Coen, j'étais déçu. Là, c'est vrai qu'en fait ça fait vraiment mauvais. Ouais, on dirait un mauvais film des frères Coen. Ouais. Non mais c'est parce qu'il y a. Attends mais Greg. Parce qu'il y a George Clooney. Bah parce qu'il y a tout le monde. T'en as pensé quoi toi, Greg? Non, je sais pas, mais d'abord je me suis. Parce que si on t'attend en tournant, Greg. Non, parce que si t'as... pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que si t'as aimé, on tient une vraie théorie comme quoi, à chaque fois que t'aimes un film, je le déteste et vice versa, quoi. Enfin, c'est. Bah, c'est pas de ma faute si t'aimes la merde. Non. Comment ça? T'aimes la merde? Et ça va pas? Non, mais en fait, l'histoire, moi, je l'ai trouvé un peu cool parce que c'est apparemment. Tu es ouais, voilà. J'adore ça. Moi, je me suis refait un buvard, franchement. Tu sais, c'est comme tu vois un mec qui allume une clope dans un film, ça donne envie de fumer. Voilà, moi, c'est la même chose que LSD, quoi. T'as eu craving, là. Gros craving de LSD. Du coup, la fin, je m'en souviens plus trop. Hein. Moi, ce qui m'a quand trop. Ce qui m'a. Oh là là, ça y est. Exactement ce pareil. Ce podcast, elle démarre bien. J'aurais jamais vu buvard à toi. Non, mais. Ce qui m'a troublé, c'est que j'ai. En fait, c'est même pas le problème. J'ai regardé le film, je me suis levé de mon canapé, mon hamster était mort. Okay. Ça, j'ai pas compris ça. Non, mais c'est même pas que je trouve ça mauvais ou bon. En fait, j'ai trouvé ça chiant, quoi. Alors, déjà, c'est 1h30. Il y a quelqu'un qui arrivera à faire une phrase complète. Non, c'est 1h33 qui en paraît, genre, beaucoup plus. On est d'accord quand même, c'est long. On est loin de cette Tibet. Attends, moi j'ai une question, tu l'as maté avec. À quelle vitesse? Je l'ai maté vitesse normale. C'est pas vrai. Une fois 4. Parce que même moi qui n'ai pas l'habitude de faire ça, je l'ai maté, à vitesse double. Donc, non, je l'ai maté normal. Mais en fait, je m'étais un petit peu renseigné avant. Et ce qui est un peu marrant, c'est qu'il y avait vraiment, à l'époque, il y avait vraiment eu. Voilà, tu vas me voler mes anecdotes, mais vas-y, je te Mais non, mais c'est pas une anecdote, c'est la base du film. Bah là, si tu comptais voler les anecdotes sur la drogue, Greg, là, il est tellement. Alors il faut que je vais vous refaire la formule du LSD. Non, mais il y avait une vraie escouade. Squad, c'est de l'anglais. Vrai squad de psy warrior, quoi. Ouais. Donc ça c'est un peu cool, quoi. D'accord. Quand même, ça c'est vrai que c'est cool, mais c'est un des éléments pour faire un film, ouais. C'est la seule armée où t'aurais pas été réformé, Greg. Viens, alors vous des résultats, Greg, vous allez passer caporal. J'ai jamais vu une aussi belle tolérance à la MD. 6 pastilles, le gamin. Et seulement à l'âge de 16 ans. Il arrivait encore à viser. Et alors là, vous avez pas une question à me poser ? Mais toi alors, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film ? Ah bah t'es là, Antoine. Eh ben, je l'avais déjà vu. J'avais trouvé ça. Tu l'avais déjà vu ? Totalement. Moi aussi j'avais vu. Hein, aussi, ah ouais, alors je l'avais trouvé ça totalement moyen. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le film avec tous les ingrédients pour être super réussi. Et en fait, c'est super pas réussi. Bah ouais, mais c'est pas totalement raté non plus. Ouais, ça se regarde, ça dure 1h30. Non, vous savez pourquoi ? C'est chiant. Parce qu'il n'y a pas de meuf dedans en plus. S'il avait foutu des meufs, là, il aurait fait. Grave, comment il n'y a pas de zouz, frère ? J'avais pas vu. Ben, c'est ça. C'est tout simplement ça. Tu me dis, hein, moi je te dis, j'ai les recettes pour faire les bons films. D'ailleurs, je l'ai prouvé plusieurs fois. Et du coup, j'ai trouvé ça quand même. Planète des singes, il y a plein de meufs dedans, tu vois, ça marche. Ah, bon, c'est des singes quand même. Voilà, il y a une chèvre en plus. Ah, il y a une chèvre, on ne connaît pas le sexe. Non, je sais pas, c'est totalement lambda. J'ai déjà oublié la moitié de ce que j'ai vu. Heureusement que j'ai pris des notes. Ça fait qu'il s'oublie aussitôt, ouais. C'est les films voix off, moi j'appelle ça. Où t'écoutes une voix off en 1h30. Non, puis c'est pareil, l'espèce de road movie, mais il se passe pseudo rien. Et puis après, je sais pas, j'ai trouvé un côté Big Fish assez chiant là, quand il raconte l'histoire, on sait pas si c'est vrai, c'est un peu. Je t'avoue, c'est un vrai. Film voix off, t'as raison. Non, mais en plus. Voix off, Big Fish. Non, mais tu sais, sur ce truc où en fait, est-ce qu'il dit la vérité ou pas, est-ce qu'il fabule, est-ce que machin, oui, on se lave entre les deux. Oui. Ouais. Ok. Le film. Bah moi, je suis allé à la bibliothèque. Ah bon ? Bah oui, à la même bibliothèque que toi, Michael. Ah bah alors, bah, bah oui, on s'est pas croisés d'ailleurs. Non. Mais pourtant, je suis le seul client. Mais bon. C'est qu'ils m'ont passé. Moi, j'ai eu The Big Lebowski. Moi, ouais, c'était pas du tout les chefs du Pentagone. Ah, ça marche beaucoup mieux quand c'est Michael qui fait des blagues. Hein. J'avais déjà fait la blague fait exprès de te faire un four. Juste pour pas que tu le fasses. T'es vraiment un mastermind, toi. Comment je vais gérer ça. Regarde, les auditeurs ne le voient pas, ils regardent Antoine. Mais alors là, j'ai senti que j'avais marché sur les plates-bandes de Michael. Hein. Bah, le problème, c'est qu'Antoine n'aime pas même pas énervé, mais j'ai regardé mon écran, j'ai fait comment je vais faire l'intro. Alors, je te préviens, par contre, si tu fais fan de coach, je vais vraiment mal le prendre. Non, mais pas du tout. Pas du première tout. Scène. Le chef du Pentagone, mais quel chef-d'œuvre. quel chef-d'œuvre absolu. Mais tu remarqueras que je t'ai laissé faire ton intro, voir si tu étais allé à la bibliothèque. Parce que tu n'y es pas allé, que je me suis permis de. Qui raconte l'histoire. Je vais raconter l'histoire. Ah, Greg a l'air bien parti. Greg. Alors, on a Erwan McGregor, qui est journaliste, et qui se fait larguer par sa meuf, et pour se prouver à lui-même et pour prouver à sa femme que c'est pas un raté, bah, il décide de partir en Irak. Tac, là, il galère un petit peu, et il tombe sur George Clooney, qui est un peu à moitié déglingo, ça se voit tout de suite, et il se rend compte qu'en fait, il faisait partie de la psy-squad, c'est-à-dire les soldats du psychisme. Hein. Psychisme, hein, ça vous va comme mot ? Ouais. Okay. Les hippies soldats. Et donc, il part avec lui en Irak, et il va lui arriver plein de mésaventures pour aller enfin retrouver le chef de cette squad qui avait été créée dans les années 60, après le Vietnam, avec toute une identité New Age. Et donc, eh ben, il va arriver plein de trucs liés à la drogue et au New Age. Voilà. Mmh. Voilà, c'est un bon résumé, ouais. Ça donne envie. Hein. Qu'est-ce que c'est le New Age pour les gens qui ne nous connaissent pas et qui ont 13 ans ? Le New Age, c'est un mouvement qui est apparu... Savoir que la plupart... Apparu en 1974. Mais non, c'est 68, 69, tu vois. Post-Vietnam. Avec le New Age, tu vois. New Age, comme son nom l'indique, nouvel âge. Hop, nouvelle façon de penser. L'esprit est le roi. L'esprit ouvert, open mind, on peut dire c'est open mind. Avec de l'USD, avec du LSD évidemment, ça marche beaucoup mieux d'avoir l'open mind. Ouais. Et l'amour libre et tout ça quoi. Et la méditation, tout ce que tu veux. Mais tu peux nous en parler toi, t'en connais des gars qui font du New Age là ? Moi j'ai un ami qui fait du yoga à très haut niveau, ce qu'on appelle le perform yoga. Il gagne des compétitions là, d'ailleurs. Ou c'est l'acro-yoga, non, le Krav Maga, non. L'acro-yoga, ouais, c'est du yoga en acrobranche. C'est quand même particulièrement dangereux. Ouais, tu peux vite te faire mal. Hein. Alors, le film s'ouvre en automne 2002. Quand... En automne. Le film s'ouvre en automne. C'est vrai qu'il y a assez peu de films qui s'ouvrent en automne, finalement. Les feuilles rouges des arbres tombent au sol lentement. En dessinant de tristes lignes. Là, j'improvise un poème. Il va pas aller bien loin, de toute façon. On s'arrête avec ce petit poème. Ewan McGregor, qui est journaliste, interview un espèce de timbré qui lui dit qu'il était effectivement dans la psy-squad. Évidemment, il n'y croit pas un mot. Ah non. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il écoute ce mec-là sans... Enfin, tu vois, en s'en branlant absolument de ce qu'il raconte. Et il fait semblant de prendre des notes. Et en fait, il a écrit genre « T'es un taré ». Ouais. Et en fait, il griffonne comme s'il écrivait, mais en fait, il est en train d'entourer ça, tu sais, en boucle. Ça m'a fait marrer parce que moi, je fais exactement la même chose. Genre, quand je suis en réunion, parce que vous le savez pas, mais 2 heures de perdu n'est pas mon travail dans la vie, malgré l'argent donné de Londres. De Londres, ça ne suffit pas pour toi vivre. Toi aussi, tu fais la même chose ? Non, je ne suis pas journaliste, mais il m'arrive d'avoir des réunions où je dois prendre des notes et je déteste prendre des notes. Et du coup, j'écris toujours vieux connard. J'écris toujours des trucs qui me font marrer, mais super trash, quoi. Et vous verrez, t'as, t'as pas de voisin. Vous verrez, c'est super marrant. Non, mais si, parce qu'en plus, ça te rajoute la contrainte de putain, faut vraiment pas qu'on me crame. L'autodivertissement, ça s'appelle. Ah, mais je suis dans l'autodivertissement total, quoi. C'est plus risqué encore que du yoga en acrobranche. Tu te fais gauler par ton patron. Bah ouais, donc il fait cette interview, il apprend des choses quand même, il s'intéresse quand même, c'est son job. Ouais. Et du coup, voilà, il s'intéresse un peu trop. Bah, du coup, il se fait guélard. Faut pas trop s'intéresser aux choses, sinon tu te fais guélard. C'est la morale de l'histoire, je pense. Ça, c'est quand même la. C'est alors la attends, il faut quand même préciser. Si t'es trop proche du mouvement hippie. Ah, mais surtout, il faut quand même préciser qu'il interviewe un mec qui vit chez sa mère d'ailleurs. Ouais. Et qui a 55 ans, hein, autant le préciser, et qui tue des hamsters à distance. Ouais, bah écoute, franchement, t'es revenu du Vietnam, toi ? T'es qui pour juger ? Hein ? Ouais, t'es qui pour juger ? T'es revenu du Vietnam ? C'est pas non, parce que t'habites ton vieux pull Saint-Etienne que moi, d'un avec seul coup... T'es avec moi, hein ? Oui, je suis avec toi. Parce que moi, j'ai jamais réussi à tuer les hamsters. Pourtant, c'est pas faute de pas avoir essayé. Moi, j'ai réussi. T'as déjà essayé de faire un kamehameha ou pas ? Moi, j'ai réussi à tuer un hamster à distance. Il suffit de pas le nourrir. Parti en vacances, j'ai tué. Je pense que ça compte. Donc il se fait totalement guélard, comme une merde, je pense qu'on peut le dire. Alors le pire c'est qu'il se fait larguer, ça c'est une chose, mais sa meuf part avec un type qui n'a pas de bras en fait. Oui. Ouais. Qui a un bras mécanique. Bah t'es trop c'est Luke Skywalker sexy. D'ailleurs. c'est assez sexy le bras en plastique. Ça hein. c'est double peine quoi, tu vois vraiment. Attention. Je crois que cette semaine c'est le podcast de Greg. Hein. C'est clairement. Podcast de la poésie, ouais. C'est Greg qui domine. Donc là, évidemment, quand tu te fais l'égard, quand tu te fais guélard, bah, tu fais ce que n'importe quel mec fait, c'est-à-dire que tu pars en guerre en Irak. Quoi. Bah oui. Bah, déjà, tu pleures devant des vidéos de George Bush, ouais. Ensuite, tu vas en Irak. Ouais. Ou tu rencontres Ninja George Clooney, quoi. Ninja. Jedi. Ouais, mais il lui fait des trucs de ninja quand il croise là pour la première fois. Ouais. Ninja. Ouais, mais un Jedi, ça fait des trucs de ninja aussi. Ah, non, mais surtout, non, mais ça, c'était la grosse vanne de ce film qui n'en est pas une. C'est on va parler de Jedi à Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi pendant 2 heures, quoi. C'était nul, ça aussi. Hein. Bon, ouais. Du coup, il rencontre George Clooney. George Clooney, il est mystérieux, il ne veut pas l'écouter. En fait, il va l'écouter. En fait, il a le troisième œil de tatoué entre ses deux tétons. Comme Greg. Ouais. Comme surtout Greg, c'est, hein, surtout c'est même pas un troisième œil. Moi, je m'y connais en UAE. Ah oui, c'est la pyramide des Illuminati. Bah oui, bah oui. Ouais, c'est ah ça, oui, c'est le complot maçonnique. Quel intérêt t'aurais faire un troisième œil sur ton chakra du plexus solaire ? Ça n'a aucun intérêt. Troisième œil, ça se met sur le front, tout le monde le sait. Quoi. Enfin, bon, c'est moins discret. On marche sur la tête, là. Et ensuite, Georges Clooney va nous raconter un peu. Alors, c'est pas un flashback, parce qu'en fait, le film va être ponctué de flashbacks. C'est une belle construction, c'est-à-dire que c'est un road movie. Et en gros, t'as 10 minutes du road movie, 10 minutes de flashback, 10 minutes de road movie, 10 minutes de flashback. Et beaucoup de voix off aussi. Et beaucoup de voix off, mais que pendant les flashbacks. Et là, on a le premier flashback sur la création de l'escouade des Psy machin. Là. Ouais. Et quelqu'un a quelque chose à dire sur cette escouade ? Bah, j'aime bien Jeff Bridges, voilà, c'est tout. Non, c'est un peu marrant. Ouais. Je vois même pas de quelle scène tu parles en fait, donc c'est la moitié du film. Il est au Vietnam, il se fait ah oui, il se casse la gueule de l'hélicoptère parce que personne ne tire, oui. Et qui t'explique ah, si, que c'est les, très drôle, quand même. Les 80% des soldats bah, c'est-à-dire tirent pour ne pas tuer. Ce que j'ai trouvé particulièrement choquant dans cette scène, c'est qu'il tire sur un mec qui est juste allé chercher les champignons dans un bois en fait, parce que le mec il se promène. Enfin, il a une mitraillette quand même. Et puis il chasse les champignons à la mitraillette, alors c'est une méthode comme une autre. Comme ça qu'on fait en Bourgogne. Et donc du coup effectivement il se fait tirer dessus par un garde du Vietnam, il a une révélation, il revient en hippie 2000, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, si. Donc là c'est vraiment New Age, alors c'est tous les clichés, donc c'est les femmes à poil, la drogue, le yoga, il saute d'un toit habillé en chaman. Mmh. C'est un cliché hippie pour toi, sauter d'un toit habillé en chaman ? Bah ouais. Ah oui. Enfin quand t'as le troisième œil. Bah ça fait partie de la discipline du yoga machin. Hein. Non mais ce qui est un peu dingue, et ça c'est dans la vraie histoire, je l'ai mis un petit peu, c'est comment un mec qui est complètement jeu-barre se fait, enfin tu vois les States ils étaient vraiment en galère de technique de combat pour engager un gars qui est total hippie et total Total Guédron en disant moi je suis sûr qu'avec mon cerveau je vais faire des trucs de ouf, et là l'armée fait bon, ok, on a un peu de budget, on va quand même le faire, on va quand même la tenter au cas où il se passe quelque chose quoi. Par contre il y a un truc que je comprends pas, en fait tu fais les anecdotes de Julie, Julie prend mes blagues et du coup Antoine tu fais mes commentaires, non c'est ça. Oh, bah moi j'ai rien préparé. Pourquoi il fallait me dire avant. surtout en fait bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Moi je pense que c'est le délire des psychiques là, je crois, ah bah c'est peut-être une légende, mais je suis sûr que les nazis ils l'ont fait aussi hein. Ah mais les nazis l'ont fait. Les nazis ont même essayé de faire les zombies, alors oui ils ont fait des trucs, les nazis ont fait des trucs paranormaux et tout. Les dinosaures, les zombies, bien sûr. Hein, et pour le coup, les nazis s'y connaissaient en amphétamine, hein, parce que c'est la version de l'histoire d'Antoine et Greg, on va les laisser. Bah, elle est beaucoup plus chouette que la vraie. Et tu crois qu'il y a qui de l'autre côté de la lune, à ton avis? Tu crois qu'ils sont où tous les nazis? Qu'ils ont disparu comme ça, pouf. Ah ouais, tu crois? Bah non, ils sont une base sur la lune. Et je préfère te dire que le jour où ils vont revenir. Et alors, du coup, il y a un peu le délire des pouvoirs. Et là. George Clooney, il va nous faire une démo parce qu'il est capable de casser les nuages à distance. Qu'est-ce que tu fais? Je déchire les nuages, je dois m'entraîner. Non. Tu fais lequel? Lui, là-haut. Celui-là? Non, là, le plus gros. Mais il est pas trop loin? Ils sont tous loin. Disparu. Ah, putain! Manque d'attention. Ouais. Hein. Bah, ils sont tous loin, ils sont tous loin comme lui, quoi. Mais franchement, Len, t'avais tout le désert comme route. Il est pas marrant, là, cette phrase. Oh, c'est marrant. Elle est nulle sa voix. Tu sais que j'ai quand même un pote qui a loupé son permis en déchirant un nuage, hein, donc fais attention en conduisant. Hein. C'est vrai. Surtout qu'il s'est pris le seul caillou du désert là. Oui, c'est vrai. Et donc ouais, vous savez qu'en fait c'est censé être en Irak, mais c'est tourné au Nouveau-Mexique, donc en gros il est censé faire plus de 30 degrés, alors qu'en fait il fait 0 degré, donc ils se sont pelés le. Jon. Oui. Le Jon. Le cul. ouais, bon, en même temps, c'est normal. C'est bizarre, c'est normal qu'il est en Irak. Putain, c'est chaud. Oh, il manque vraiment de couilles, hein, les mecs. Ils ont pas tourné en Irak. Il faisait froid, quoi. Ensuite, il y a tout un truc avec Al-Qaïda, Black Ops, Mission Secrète. Ouais, ils se font choper. Dis-le si t'as pas envie de raconter l'histoire. Bah, Greg, je te laisse le faire. Raconte l'histoire, elle est mortelle. Take the relay. Non, y a pas grand-chose à dire, ils se font choper. Il met tout un truc, c'est... Bah, voilà, c'est fini. Non, ils se font choper et donc ils se font mettre dans une geôle. Et là, c'est à ce moment-là que Erwan, il commence un peu à tilter et ça lui monte un peu au cerveau d'être avec un déglingo tout le temps. Du coup, il commence à moitié à devenir déglingo lui aussi. Il commence à flipper de faire des trucs avec un mec comme ça. Mais à un moment, je crois qu'il essaie de faire un Kamehameha aussi. Ça marche pas. Et finalement, ils ressortent, ils se font choper. Et finalement, je sais plus. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à un moment donné, quand t'arrives à arrêter le cœur d'une chef, tu peux peut-être essayer d'arrêter le cœur d'un homme, quoi, non? Mais il veut pas le faire, il est pacifiste. Enfin, t'as rien suivi au... Putain, mais toi, t'as rien suivi à la mouvance New Age, mec. T'aimes pas trop le New Age, toi. T'es pas très New Age, comme ça. Putain, t'es pas du tout massif, quoi. Mais massif, c'est côté. Un dérivé de New Age, non? Je sais pas. Non, c'est deux mouvements différents. Le mouvement des massifs, c'est encore autre chose. Après ça, on a encore un flashback training où là, ils dansent, ils conduisent une voiture avec un cache sur les yeux. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a quand même un truc sur tous ces machins, c'est qu'il y a quand même un moment où tu te rends compte que ça marche pas, en fait. Bah, dès le début, tu t'en rends compte, en fait. Non, mais c'est-à-dire oui, que... Mais Antoine, il était dans la théorie de Big Fish, comme quoi on l'emmenait vers quelque chose où c'était peut-être vrai, peut-être pas vrai. Bah ouais, mais c'est exact, c'est ça, non, quand même, le film. Ouais, sauf que tu te rends compte juste dès le début qu'ils sont tous barjots. D'ailleurs, je pense que s'il y en a un qui a réussi à vraiment faire claquer une chèvre, on sait pas du tout comment il a fait, quoi. Faire claquer une chèvre. Bah, je pense que de toute façon, la première scène où il y a un mec qui se prend un mur parce qu'il veut aller dans le bureau d'à côté. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé de ça. Le ton, quand même, du film. Ah, c'était de l'humour. Apparemment, il y a des mecs qui ont vraiment essayé. À l'époque. Bah oui, sûrement. Kevin Spacey, alors, pour avoir fait un peu de mécanique quantique, bon, j'en ai fait vraiment un petit peu. Des bases. J'en ai fait 2 heures, il y avait un... Mais tu t'es abonné à Mécanique Quantique Magazine, d'ailleurs. C'était c'est comme ça que t'as appris les bases. Non, j'avais un pote qui avait laissé un bouquin aux toilettes, et voilà, j'en ai lu 30 minutes. Non, je crois que t'as une infime chance qu'une particule de ton corps, en fait, puisse traverser une matière. Et en gros, si t'as vraiment beaucoup, beaucoup de chance, bah, toutes les particules de ton corps le font. Non, mais faut tenter souvent, souvent, souvent. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment, c'est un peu la théorie du Shadok. Essaye 1000 fois, je pense, Mickaël. C'est vrai que si tu le tentes pas, je vais commencer si tout de suite. Pas, ça va pas arriver, quoi. Mais je pense que c'est jamais arrivé. Après, on introduit Kevin Spacey, qui est un connard dans le film. Ça, pour le coup, ça m'a fait plutôt rire. Je trouve qu'il est. En fait, ils sont drôles, hein, quand même, les acteurs de ce film, mais c'est juste que le film. Le casting est plutôt pas mauvais, quand même. Et puis la petite musique, là, vous l'entendez, là, cette petite musique tout le temps, là, le petit piano, le petit machin. Ouais, fallait la trouver, ça. Vous savez que c'est le premier et dernier long métrage de ce réalisateur, hein, d'ailleurs. Qui... Ah ouais. Bah ouais, bah. Putain, attends, mais bah, c'est normal. Le mec, on lui donne toutes les méga stars, il fait un film aussi pourri. À la base, il avait produit Good Night and Good Luck et genre Jeu de dupes, enfin avec George Clooney. Comment il a fait pour avoir autant de stars d'ailleurs. Bah, en fait, c'était parce que c'était un prod. Et déjà, il est acteur. Et après, c'est un prod, donc je pense que c'est un peu la bande des copains, quoi. Eh, les copains, venez. C'est un petit peu les petits mouchoirs, mais américains, quoi. Ouais. C'est un road trip de potes. Ouais. Bah d'ailleurs, après, ça mange des huîtres après l'an. Dans le désert. Je les tripe. Ensuite, il y a une attaque en plein cœur de l'Irak qui m'a fait marrer parce que c'est des... là, il y a une petite, quand même. Un petit. Rappel si historique. Si tu cherches un mot, tu nous demandes. Hein. Bah non, mais je suis en train de chercher, c'est dans le dictionnaire. Alors, c'est. Putain, et je me trompe à chaque fois dans les lettres. Non, critique de la société. Enfin, de la guerre en Irak avec les sociétés de sécurité qui s'affrontent entre elles. Ouais. Ah, et d'ailleurs, j'étais très content de revoir le T-1000. De quoi? C'est l'acteur du T-1000 qui joue le mec, t'es d'accord? J'ai pas vu, j'ai non. Pas vu. Eh ben si, c'est lui. Mais tu l'as pas reconnu, bien sûr. Mais non, c'est lui. Mais oui. Non. En fait, je l'ai maté à vitesse accélérée, alors je crois que j'ai pas fait attention. Non, c'est... Oh, bah, c'est clairement pas lui. Ah bah, je suis sûr que tu vérifieras. Ce mec-là, je le reconnaîtrai entre mille. Chers auditeurs, quand vous entendrez ça. Non. Hey, je te jure, impossible. Je demande celui qui est dans la bagnole qui vend les assurances là. Vous parlez bien de la scène dans la station essence. Ouais. Eh bah oui, lui, c'est le T-1000, j'en suis certain. Moi, je fais confiance à Mickaël, vu que c'est lui cette semaine qui prend mes anecdotes. Il n'y a que le T-1000 qui a les oreilles comme ça, de toute façon, je l'ai forcément reconnu. De toute façon, je te fais confiance. Bah, fais-moi confiance et je peux dire, si les auditeurs l'ont reconnu, qu'ils le disent sur Facebook ou Twitter, je prends le pari, je pense que c'est le T-1000. Ok. Clairement, ils font, puis ils se reforment, donc je pense que aucun doute. Ah oui, puis il prend la voix d'Otmanos et il étend son bras pour désinguer la tronche d'un type à l'aide d'un couteau à l'intérieur de sa main. c'est compliqué cette phrase. Et ensuite, flashback, et on explique pourquoi la tribu des psychics a été réformée de l'armée, puisqu'en fait, il y a un timbré qui va prendre beaucoup trop de LSD et qui va faire ce qu'on appelle un bad plus. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, on peut. Ouais, un gros bad trip. Hein. Ouais. Ouais, il va flinguer tout le monde. Hein. Voilà, ça commence à être assez avancé, je pense, comme bad, puisqu'il va se foutre à poil et il va tirer sur les gens. Là, ah ouais, t'as fait un sacré saut dans le temps là, dis donc. Bah oui, c'est le principe du flashback. Ah bah c'est à ce moment-là. Ah oui, parce que moi j'ai vu le film mais en temps réel, c'est-à-dire j'ai vu un film de 30 ans. Et donc bah il disparaît un peu dans la nature, le dude. On sait pas ce qu'il fout. D'ailleurs on sait pas ce qu'il fout. On sait pas ce qu'il fout. Mais George Clooney il est bien triste. Et on sait pas ce qu'il fout nuit non plus pendant ce temps-là. Mais même nous, je pense qu'on sait pas ce qu'on fout. Mais bah, mine de rien, ils vont se retrouver en Irak, les Gugus. C'est quand même beau la vie. Et ils vont se retrouver dans une base secrète. Alors, encore une fois, il y a la voiture avec les mines, les machins, les oasis. Je pense pas qu'on va revenir sur tout ça. Mais entre-temps, on a un petit flashback d'un cours de psychique. Scotty. C'est. Un objet cylindrique, un crayon? D'accord. Larry? Je suis Maud, l'esprit gardien de Larry. Je regarde dans le casier et je vois un gobelet. Len? Un homme assis dans un fauteuil. Pourquoi c'est la voix d'Anthony Hopkins qui fait Jeff Bridges? Aucune idée, par non, contre. Non, j'attends une réponse. pendant l'intermède, j'ai eu des informations. Mickaël, tu disais juste. Hein, alors, bah oui, j'avais raison. je t'avais dit. Antoine, tu avais tort. Vous le giguez contre d'ailleurs, moi. Est-ce qu'il a une belle filmographie, ce monsieur, à part le T-1000 dans... Oui, il a fait plein de trucs. Je vous invite à aller regarder. Il a joué dans un épisode d'Au-delà du réel. Parce qu'il paraît, il a joué dans un épisode des Contes de la crypte aussi. Oui, exactement. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il est passé à C'est mon choix en 92. Oui, aussi, ouais. Et il a remplacé Ariel Wiesman sur un plateau aussi, sur deux canals. Et en DJ set aussi. En DJ set. Putain, il fait des DJ set, mon pote. Ça déchire. Il a monté son bar tabac en 93. Oui, non, c'est un monsieur qui joue encore, hein, qui fait plein de choses. Hein. Oui, je vous invite vraiment à consulter son film. Il a fait un truc récemment. Attends, il a fait un truc récemment. Il a fait quoi? Il a fait... Ah bah oui, Terminator 6, là, je sais pas quoi. Non, il joue pas dedans. Non, il a fait Gangster Squad, Lovelace... Donne pas trop d'idées aux auditeurs parce qu'ils vont nous les proposer cela. Ouais. Alors ensuite, c'est un peu la scène finale puisqu'ils vont se retrouver dans la base secrète qui est tenue par Kevin Spacey. Où il y a plein de chèvres. Là, ça devient. Ils font du fromage ou quoi? Je comprends pas en fait. Je sais pas. Ouais. Et en plus, élever des chèvres, c'est un très bon produit. Bons produits bio. Le fromage chèvre irakien est très très bon. Et donc, ils se retrouvent. Mais là, en fait, tout le monde est diminué parce que le dude, il est diminué parce qu'il picole et tout. Mm-hmm. Et c'est un peu pareil. Ouais. Il sent qu'il va claquer et tout. Mais il a le cancer en même temps. Ouais, en même temps. Quant à ça, c'est pas marrant. Là, ça, c'est pas un coup de devin qu'il nous fait là. Là, ça, c'est pas la même limonade, hein. ça c'est pas une appendicite, hein, mais... Et du coup, c'est un peu triste, même s'ils se retrouvent, ils refont une Psy Squad là où ils essayent de... D'ailleurs, ils sont dans le désert, donc je vois pas ce qu'ils essayent de faire en plus, quoi. Ils essaient de rien faire. Toi, tu vois pas, Greg. Moi, je vois pas non plus. Ouais. Par contre, moi, j'ai une question à Julie. À chaque fois, j'avais peur, je me dis, est-ce que j'ai vraiment fait mes devoirs ? Comment ça se fait que George Clooney a l'œil rouge pendant la moitié du film ? C'est bizarre. Ça, c'était la conjonctivite. Ouais, c'est ça, hein. C'est très bizarre. Il a un œil très rouge. Non, c'est à partir du moment où il fait son choc. Mais voilà, tu vois, Greg a toutes les réponses. Bah, ou ce sinon, podcast. Moi, c'est parce qu'il tourne dans un désert et qu'il se prend des poussières dans la gueule entre chaque scène, quoi. Ah ouais, c'est sûrement ça. C'est bon, j'ai ma réponse. Et alors ensuite, c'est un peu putain. C'est exactement ce que je reprochais à Tropic Thunder aussi. C'est cette espèce de grand final qui n'a aucun sens. Tu sais, genre, ils construisent un film et c'est pseudo-marrant. C'est drôle, quoi. Ouais, mais en fait, moi, j'ai trouvé ce film totalement gâché pour la même raison. C'est-à-dire que la scène finale, c'est juste un trop, quoi. Il y a un moment, arrêtez, c'est pas en faisant tout péter que c'est marrant, quoi. Tu pouvais faire une fin subtile. Là, ils vont faire la même chose. Bah, fin subtile, là, c'est sûr que c'est pas le cas parce qu'il se trouve que dans cette base militaire, ils trouvent... une bouteille de LSD qui fait à peu près 500 millilitres et qui serait capable de défoncer la moitié de la Terre. Donc, je sais pas pourquoi il y a ça dans le truc, quoi. Bah, les psychics, ça fait booster les pouvoirs. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Bah, c'est pour ça qu'on en prend le samedi en rave. C'est pour booster les pouvoirs. Et du coup, le dude, comme il se fait un peu chier, bah, il décide d'en mettre dans la bouffe, mais également dans le tank d'eau. Ouais, dans le ballon. Ouais. Alors, n'hésitez pas à faire ça à vos amis, c'est très drôle. Et surtout aux enfants. Alors, Thibaut, hein, on va à l'école cet après-midi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Ah, le Thibaut, il a encore tué une chèvre, là. Et surtout... ma colorie, les films de clowns. Regarde le film de clown. Donc, évidemment, je te laisse imaginer quand t'as 500 soldats qui prennent du LSD au milieu du désert. Et surtout qu'il est cool d'avoir foutu ça dans la flotte, quoi. Parce que maintenant, dès qu'ils ont soif, ils vont prendre du LSD, quoi. Ah, mais c'est-à-dire qu'ils vont jamais redescendre parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir soif, tu vas reprendre et en fait, tu vas reprendre du LSD. Ah non, mais surtout, au bout d'un moment, ils vont mourir parce que tu rebois du LSD parce que tu crois que tu veux t'hydrater, mais tu crèves, quoi. Ouais, il y a moyen. Ouais. Et puis, surtout, à un moment, c'est... Enfin, eux, ils font tous un good trip, quoi. Tu vois, là, il n'y en a aucun qui est genre... Oh, putain, il fait trop chaud. Les gars, ils sont partout, on va se faire tuer. Ils sont tous là, genre, en mode... Ouais, je suis dans le toc. Trop lol. Tu sais, ils tirent, ils se tuent pas du tout entre eux. Enfin, en vrai, ça fait un carton. Il y a des armes partout. Non, mais en vrai, ça tue tout le monde. C'est marrant parce qu'il y en a un au milieu du film, il fait ça, il se fout à poil, il tire sur tout le monde. Et là, c'est tous des mecs armés. Ils sont tous là, genre, en super trip. Cool. Ouais, trop bien. Il y en a aucun qui devient parano, genre on est encerclé par par les Irakiens ou machin. Non, ça se passe très bien. Bon, pour le coup, ils font tous un méga bon trip. Ouais, et les autres, bah, les c'est autres... parce que c'est de la bonne, mec, en Irak. Ouais, c'est ça. Et et donc ils font deux trois trucs, genre ils vont libérer les prisonniers, ils cassent la barrière, et puis pour le big final, bah ils montent dans un hélicoptère, George et le dude, quoi, tu vois. Ouais. Et ils s'envolent, ils ne redescendent jamais. Exactement. C'est le trip un peu éternel, tu vois. C'est un petit peu le but du New Age, c'est de monter aux cieux. Et ils deviennent poussière. Voilà. Ils redeviennent poussière. Ils se sont crachés à 100 mètres parce qu'ils étaient défoncés, ouais. Ils sont redevenus poussière là-dessus. Il y a pas de... Déjà, moi, je sais même pas comment il arrive à faire décoller l'hélico. Tu sais, le mec, il est totalement chef. Et parce qu'il y a un milliard de trucs à faire. Je me demande si c'est pas The Rock qui conduit. Il a peut-être pris des cours avec The Rock. Et alors ensuite. Ensuite, pas grand chose parce que l'autre c'est la fin. Ensuite c'est la fin. Ensuite, il revient et il écrit son bouquin, quoi. Un dernier avis sur ce film ? Non, non. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. 5 commentaires, 5 étoiles. Il n'y avait pas beaucoup, autant vous le dire. La guerre est une chose bien trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires. C'est le titre. Bien de 6. Ça, c'est New Age. Ça, c'est New Age, tu vois. On se prend presque à espérer qu'une telle folie ait pu exister un jour. Et surtout, ne prenez pas les commandes d'un engin blindé en état d'ébriété. 5 étoiles. Le mec, il n'a rien compris. On a Sergueï 26. Non, mais le mec qui regarde le film, il fait « Faudrait que je laisse un commentaire. J'ai peur que quelqu'un le fasse, quand même. » On a Sergueï 26 qui nous titre « Jubilation ». Ce film est un pur délire, un délire d'un bout à l'autre. Clooney y excelle dans un rôle sur mesure. À conseiller vivement pour se détendre les zygomatiques et cervelets. 5 étoiles. C'est marrant parce que je les ai regardés par curiosité, mais je préfère vraiment quand c'est toi qui les dis. Quand je les lis toute Merci seule. Julie. Et tu veux les lire si tu veux me replacer parce que tu fais mes blagues déjà. Ouais, alors Yellow Force qui nous dit. Ah non, c'est son titre. Pardon. Yellow Force. C'est Force jaune, mais c'est un bioman ça. Yellow Force, c'est top ça comme nom. Qui nous dit, reprenant d'une manière humoristique et foutraque une histoire vraie. Le film pose avec finesse et intelligence des thèmes philosophiques forts, comme entre autres choses. Notre capacité à rêver, changer le destiné ou s'affranchir de la norme en étant nous-mêmes. 5 étoiles. On continue. Il vous a passionné celui-là. Vous êtes dedans. Il m'a mis un coup sur la gueule. Là. Ensuite, Lionel D. qui dit « Oh, film pas prise de tête, hein, 1h30 de scènes comiques ininterrompues. On s'est bien marré du début à la fin. Idéal en bande de jeunes. Ça, » ça, c'est Lionel du CE. Bon, pour le CE, on peut regarder ça, c'est génial. Non, c'est bon, Lionel, là, tu nous fais chier. Lionel, on a déjà regardé ton film la semaine dernière. Là. Ah, mais avec ces comiques quand même, là, pour les jeunes, et vous êtes jeunes, vous. Lionel, c'est bon. Enfin, la sortie Walibi la semaine prochaine, hein, vous vous souvenez. Après mini-golf, les jeunes. Hein. J'ai pensé à vous. Holiday on Ice. J'ai pris les passants. On finit avec Suspiria da Profundis. Phénoménal, irrésistible, hilarant, attachant. On pourrait encore en aligner. Bon, il faut pas prendre du LSD hein, quand même, c'est pas bien. 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur les chèvres du Pentagone. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant, nous allons tirer deux films au chapeau. Ah, ce sont un de nos comparses de tirer au chapeau. Je l'ai fait deux fois d'affilée. Alors, j'ai réécouté les bobines. Et tu as je n'allais pas le tirer, disant... je le sortais pour le tendre à mes camarades. Les camarades. Mes camarades. Camarades. je la couperai celle-là. Il y a un gros cut dans la musique. Il fait une mauvaise blague, j'ai préféré couper. Alors, mais pourquoi Greg, il n'y a pas la fin du podcast? Je vais laisser Greg tirer le premier film. Ok. Alors, quel suspense, c'est incroyable. Personne n'y croit. Enter the Void, mais non. Je l'ai jamais vu. Mais non, mais il est bien ce film. Eh ben, on va en parler. Hein. Attends, un film que t'aimes bien, Greg? Ah non, mais il est vraiment bien ce film. Détester, de Bigorno 51, mais c'est une blague ça. Hein. De quoi? Non. On avait juste débat en mettant dans le chapeau. Ça existe. Bigorno 51. Non, ça a été proposé. Alors, à moi. Bah, de toute façon, on a fait l'échelle du Pentagone, on peut tout faire, mec. Là, je sens que je vais tirer une merde. Non, par contre, Enter the Void, c'est vraiment très très loin. Ah, bah, ça va faire mal à la tête. Moi, je l'ai jamais vu. Je sens que je vais tirer un truc chiant là. Big It, de Mum Jum. C'est pas le réalisateur, ça. Mum Jum revient. Je sais pas ce que c'est que ce film. En plus, mais ça me fait peur généralement. Ouais, ah, moi ça me fait peur aussi. Je pense que c'est à chier. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Enter the Void. De Enter the Void. Mais avant, encore une fois, le concours 3615 concours. Greg, rapidement, quelques mots. Bah, vous pouvez participer à une émission de HDP avec nous et pour cela il faut gagner un concours. Pour gagner le concours, il faut nous envoyer un mail à 3615 concours. Enfin, en objet, vous mettez 3615 concours, vous écrivez à 2heuresdeperdu@gmail.com et vous nous envoyez un petit message audio. Faites-nous rire en fait. On a vraiment envie de rigoler et si vous nous faites rire, vous serez choisi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.